On souhaite la bienvenue aux gens qui nous écoutent sur Facebook, également sur Twitter et sur tous les médias alternatifs et également sur les plateformes de podcast. Et avec moi, ben, j'ai Samuel Harvey d'Alma qui a remporté sa première victoire dans les rangs professionnels dans la Ligue américaine en fin de semaine. Salut Samuel. Salut Danny. Samuel, d'abord, j'imagine que tu es content sûrement de ta première victoire. Ouais, vraiment, vraiment content. J'ai eu un beau premier match, puis j'étais vraiment content d'avoir ma première victoire à ce match-là. Ça s'est super bien passé. L'équipe a super bien joué devant moi, puis tout ça, fait que ça a été une belle soirée. Comment ça s'est passé la fin de ton camp d'entraînement? Donc, tu as fait l'équipe de la Ligue américaine, ça s'est drôlement bien passé, quoi. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu avais été invité. Donc, j'imagine que là, le fait que tu as fait l'équipe, ça a bien fonctionné. Ouais, vraiment. Dans le fond, on avait quand même un mois presque là, de camp d'entraînement avec des pratiques à presque tous les jours. Puis on avait également 7 matchs de préparatoire. Sur les 7 matchs préparatoires, j'avais eu la chance d'en jouer un, puis ça avait super bien été. On avait gagné 4-1, fait que j'avais laissé une belle marque, puis c'est pour ça qu'ils ont décidé de me garder pour la saison. Puis là, j'ai eu la chance de jouer mes 2 premiers matchs la fin de semaine passée, puis ça s'est bien passé aussi. Fait que je suis content du dénouement, puis pour moi, ça va être de continuer comme ça. La grosse différence entre la Ligue américaine et la Ligue universitaire, elle est où? C'est la vitesse d'exécution, j'imagine. C'est Exactement. Ouais, exactement. les gars C'est sont la plus vitesse gros. d'exécution. Ben, non, pas nécessairement. Ben, c'est beaucoup la vitesse d'exécution. Je te dirais que les passes sont sur la palette, les transitions sont extrêmement rapides. Je te dirais que pour ce qui est de la grosseur des gars, puis la vitesse des tirs, c'est sensiblement pareil. T'sais, les gars sont pas mal dans le même groupe d'âge, donc ça reste un peu pareil. Mais c'est vraiment plus là, la transition puis l'exécution. Il n'y a pas beaucoup. T'sais, quand ça y va, ça y va. Là. Les gars sont vraiment rapides puis savent quoi faire avec la rondelle. Fait que, pour ça a été c'est de s'ajuster. Puis je suis encore en train de m'ajuster un peu à ça, mais ça va bien de ce côté-là. OK. Là, c'est un calendrier très, comment je dirais, foqué, bizarre dans la Ligue américaine. Moi, je suis plus les Rockets de Laval, évidemment, parce que les Rockets sont à Montréal. Donc, il y a rien que la Ligue est jouée contre des équipes canadiennes. Vous, j'imagine que c'est en Californie. Vous, de base, t'es la filiale des Sharks. J'imagine que c'est pratiquement juste contre des équipes de San Jose de la Californie que vous jouez. Pratiquement, pas totalement. On a aussi Tucson qui est en Arizona, puis on a également le Texas qui est dans notre section. On a 8 équipes quand même, 8 ou 7, je suis plus certain, mais on a quand même un bon groupe d'équipes contre qui on peut jouer contre. Fait que ça va être le fun. T'sais, on n'aura pas tout le temps les mêmes adversaires. En ce moment, on est au Texas, puis on joue demain. Fait que on va finir notre voyage au Texas demain. Après ça, on s'en va en Arizona pour terminer à Tucson. Puis après ça, on va revenir en Californie. Puis c'est là qu'on va vraiment plus jouer nos matchs là, contre les équipes de la Californie puis à San Jose. Hey, Texas, puis Arizona, puis Californie, hey, ça fait des heures d'autobus, ça? En fait, Arizona, oui, ça va faire des heures d'autobus. Combien Texas. d'heures à Texas. En fait, Texas, en ce moment, on est allé en avion. peu près? C'était un petit peu trop loin, là. Fait qu'on était en avion commercial. Il y a eu. C'est sûr qu'il y avait des dangers un peu avec le COVID et tout ça, mais je pense que les gars on a réussi à bien se protéger puis tout ça. Pour ce qui est Arizona puis Californie, c'est une dizaine d'heures d'autobus là, quand tu te promènes dans Ah, c'est ces pas si pire. eaux-là. T'as déjà vu pire. Partir de Val d'Or, aller jusqu'à des Maritimes, c'était pas mal pire que ça, là. Ouais, c'est ça. Partir de Rouyn jusqu'à là au Cap-Breton, ça nous prenait 26 heures. Fait que j'ai déjà vu pire. Donc là, j'imagine que ton poids, c'est pas gagné, mais quand même. Qu'est-ce qu'on dit, l'entraîneur? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il y a l'occasion? Quelle utilisation qu'il entend faire? Côté utilisation, j'ai pas nécessairement eu de mémo là-dessus. Je pense que ça va aller au match par match, puis tout ça. Mais c'est sûr qu'il était bien content de comment j'avais commencé, puis de qu'est-ce que je montrais sur la glace. Pour moi, c'est de continuer comme ça. Tu l'as dit, il y a aucune garantie chez les professionnels. Fait que c'est de Non. continuer, tu sais, jour le jour, puis d'être meilleur. Fait que c'est vraiment ça mon but. Je n'ai pas été voir dans les prospects avant de commencer l'entrevue, c'est quelque chose que j'aurais dû faire. Est-ce que devant le filet, les Sharks sont de profondeur ou au niveau de la relève ou encore il y a une possibilité pour toi il y a une possibilité pour toi de faire un bon bout de chemin chez dans les Américains. Dans la Ligue nationale, tu es encore jeune, Samuel. Là. Tu sais, un gars comme Jordan Binnington a 27 ans, a atteint la Ligue nationale, qu'on connaît aujourd'hui. Il y a encore une possibilité pour toi, là. Est-ce que les Sharks sont quand même beaucoup de profondeur devant le filet? C'est une question, honnêtement, c'est une bonne question. Ils ont deux autres gardiens de but de mon âge, puis qui est sous contrat avec les Sharks. Ils ont nécessairement leurs deux gardiens de but qui est sous contrat également dans la Ligue nationale. Fait que c'est surtout, tu sais, il y a des contrats qui vont venir à échéance à la fin de l'année, puis tout ça va être leur décision. Moi, je me casse pas trop la tête avec ça parce qu'il y a un côté business là-dedans qui m'appartient plus ou moins. Fait que je veux vraiment me concentrer sur qu'est-ce que moi je contrôle et qu'est-ce que je peux faire de mieux. Fait que rendu là, ben, ça sera à eux de prendre les décisions, mais moi je me concentre vraiment à arrêter la rondelle puis on va voir qu'est-ce qui va se passer Ah, par la suite. écoute, si c'est pas là, ça peut être ailleurs aussi. Exactement, si c'est pas là, ça peut être ailleurs. Puis moi mon but, c'est juste d'arrêter la rondelle. Peu importe ça va être où puis comment, ben, c'est ça mon but. OK. Ben Samuel, on va te souhaiter la meilleure des chances d'ici la fin de l'année. On est pas mal fiers de toi. Première victoire dans les professionnels au cours du week-end. Il y a Raphaël Harvey-Pinard qui a marqué deux buts, ton ancien coéquipier également. Donc, je pense que ça va quand même très, très bien pour les anciens des Huskies de Rouyn-Noranda. Écoute, tu l'as connu, Raphaël. Je pense que c'est un gars qui peut faire un bon bout de chemin. Hein. Il a toujours été mitigé. Il a toujours eu deux prises contre lui, puis il a toujours réussi à faire une belle carrière. Donc, c'est Ouais. frappant. Ouais, vraiment. Je pense que Raphaël peut faire un excellent bout de chemin. C'est un gars qui travaille tout le temps, sans relâche. Il va tomber vraiment là, dans les bonnes grâces de Joël Bouchard, ça c'est certain. Je pense qu'il peut vraiment bien, bien faire son travail avec le Canadien. Puis moi, je gagerais jamais contre Raphaël parce que c'est un gars qui connaît extrêmement bien qu'est-ce qu'il fait sur la glace. Puis il a beaucoup de talent, beaucoup de passion. Fait que moi, je pense qu'il va se rendre loin. Samuel, gros vous merci. On s'en parle d'ici la fin de la saison ou durant la saison. Parfait, merci Dani. Le gardien de but de l'organisation des Sharks San Jose, natif d'Alma, Samuel Harvey. Merci, Sam. Gros merci. Yes, merci Dani, à la prochaine. Merci. C'est bon. Bye.